Chapitre 4, page 31, exercice 5. 1. Elle s'est esquintée la santé. 2. Ah, mon fils a eu des quintes de toux toute la nuit. 3. Elle est dans un état stationnaire. 4. Je suis un traitement préventif. 5. Ma mère est de santé précaire. 6. Le bulletin de santé est plutôt rassurant. 7. Je vais me refaire une santé. 8. Mon bébé a la diarrhée. 9. La vieille dame s'est fait vacciner contre la grippe. 10. C'est grâce à une radio de contrôle qu'on est parvenu à dépister la maladie.